Elle est belle, elle est blonde. Autour d'elle tourne le monde, le cœur de glace, le regard froid. Elle se déplace vers sa proie comme un serpent, elle hypnotise. En resserrant toujours sa prise, elle t'emprisonne dans du velours. Quand elle te donne un bonjour, elle est dangereuse à la fois, mais elle n'existe pas. Elle est dangereuse à la fois, mais elle n'existe pas. Il aime vivre, il est sage, comme un livre dont on tourne les pages. Son rire a laissé au creux de sa face, au fil des années, de multiples traces, des mots de marbre. Il parle peu. Tu vas sous cet arbre, s'il pleut par temps d'orage, tu iras là. Sous son feuillage, il ne pleut pas. Son amour est rare et cru, mais il n'existe plus. Son amour est rare et cru, mais il n'existe plus. Ils sont sourds et stupides, ils ont des discours qui te tordent le bide. Ils sont partout et souvent, le sourire doux mais l'œil menaçant, comme des aigles sur leur proie. Ils veulent te faire signer leur loi, ils disent aimer, c'est dangereux, et leurs larmes coulent de tes yeux. Tu rendrais leur bouche muette s'ils n'étaient pas dans ta tête. Tu rendrais leur bouche muette s'ils n'étaient pas dans ta tête. Ils tiennent tous dans la main, et dès qu'ils toussent, tu appelles un médecin. Pas d'injustice entre eux. Quand ils naissent, ils sont tous bleus, des rides prirent ton menton. À force de sourire comme un con et des histoires, tu en inventes. Y a même des soirs où tu chantes. Ma puce, ma chérie, mais elle s'est endormie. Ma puce, ma chérie, mais